Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Here's the 3-1 pitch, and it's swung on, fly ball, center field, Dawson going back onto the warning track, Dawson at the wall, that ball is a home run! That ball is out of here, and a home run for Rick Monday, and the Dodger bench clears to congratulate Rick Monday, who has hit a two-out home run here in the ninth inning, and it appeared that Andre Dawson had room as he went back to the fence, and he just flat ran out of room as the ball cleared the fence at about the 385 mark. On va parler de baseball, évidemment. Ce que vous venez d'entendre, c'était, ça se passait en octobre 81, le circuit de Rick Monday. Je fais part de ça parce qu'évidemment, il y a des gens sur les médias sociaux hier qui ont fait un parallèle avec le circuit de Rick Monday, avec l'élection de Valérie Plante ou encore la grève de 94. On en parle avec un gars qui m'a remonté le moral le matin parce que je l'ai appelé pour faire une entrevue avec lui, puis mettons qu'il m'a remonté moral, c'est notre collaborateur Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Marc, oui, effectivement, là, je repasse le coup de circuit de Rick Monday en audio, et il y a des gens qui ont fait ça sur les médias sociaux hier, le parallèle, j'ai trouvé ça drôle, toi aussi tu l'as trouvé drôle, et mais par contre tu m'as remonté le moral le matin un petit peu. Ben, c'est-à-dire que, écoute, c'est sûr que c'est décevant parce que Denis Coderre était quand même, évidemment, un porteur de ballon extraordinaire pour ce projet-là, mais faut pas non plus penser que Denis Coderre était la seule personne qui faisait que ce projet-là allait être viable ou non. Mm. Et c'est pour ça que je dis, bon, évidemment, le groupe de gens d'affaires dans le privé qui semble-t-il, parce que, bon, évidemment, on n'a jamais de confirmation réelle et concrète, là, mais ils sont très solides à la barre de ce groupe-là. Et si le projet est si bien ficelé, moi, je pense que ça ne devrait pas être une embûche majeure. Oui, évidemment, il va falloir refaire nos devoirs avec la nouvelle mairesse, lui expliquer en long et en large c'est quoi le projet et quelle est l'implication d'un peu tout le monde. Mais je ne pense pas que c'est un projet qui est mort dans l'œuf en raison de ce changement de garde. Si c'est le cas, ça veut dire que le projet dans le privé n'était pas aussi fort qu'on le pensait. OK. Mais Marc, reste que j'ai suivi ça pas mal, la campagne du Lac-Saint-Jean. J'ai l'ai suivi. Puis Valérie Plante, elle a commencé à monter dans les sondages quand elle a commencé à parler d'un référendum pour le... C'est à partir de ce moment-là qu'elle a monté fort. Là. Sauf que c'était un faux débat. On ne sait même pas actuellement comment ça, les expos vont... Ça va être quoi? Est-ce que c'est les Rays qui vont déménager à Montréal? Est-ce que ce sera une équipe d'expansion? On ne sait pas, fait que tu peux pas partir sur ça puis dire au monde ça va prendre un référendum et ainsi de suite. C'est un faux débat qui s'est produit. Puis elle a monté dans les sondages avec ce faux débat-là. Oui, ben je pense que c'est un paquet de facteurs là, qui a fait qu'elle a monté dans les sondages. Là, pas nécessairement un aspect, oui, il y en a eu plusieurs, mais c'est évident que je pense que c'est la réponse qui est politiquement correcte. De dire je m'avancerai pas, on va demander à la population. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend un politicien dire, bon, dans un sujet chaud, qui fait pas l'unanimité, de dire on s'en va vers un référendum. Bon, ceci étant dit, ça se peut qu'un jour ça se termine avec, ou en fait que le projet avance à la suite d'un référendum. Moi, tout ce que je souhaite, si c'est le cas, ben qu'on pose les vraies questions, puis qu'on ait les vrais détails, pas juste dire, ben ça vous tente-tu d'avoir un stade, oui ou non, tu sais, c'est pas de même que ça se passe, là. C'est un projet qu'il faut qu'il soit bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que le privé, s'ils sont vraiment sérieux là, dans leur démarche, ben qu'on puisse avoir un petit peu plus de détails. Je ne veux pas l'avoir, évidemment, tous les détails en fond en comble, mais qu'on ait un peu d'espoir en disant ben voici comment on pense regarder ça. Dans un portrait général, là, pour qu'on puisse dire, OK, là, c'est intéressant. On demande un peu d'argent au niveau des gouvernements, mais très minime, puis voici pourquoi. Puis voici l'argent qui va être injecté, l'argent public va servir à ça, et dites-vous que les gouvernements vont être les plus grands bénéficiaires de tout ça. Tu sais, ça s'explique. Parce que c'est un investissement, là. C'est pas une dépense. C'est pas comme on a une dépense. Il y a un investissement, il y a un retour sur cet investissement-là. Donc, il y a des choses intéressantes. Les gens qui sont autour de la table dans le groupe de baseball Montréal, écoute, c'est des gens qui en ont vu d'autres, là. C'est des gens qui sont capables de négocier. Alors moi, je pense que n'importe quel maire qui a quelqu'un qui a un projet d'un milliard de dollars, là, avec beaucoup, beaucoup de financement au privé, que ce soit du baseball ou autre, à un moment donné, la mairesse va dire, venez-vous-en, on va regarder ça ensemble. Et puis si ça fait du sens pour tout le monde, la mairesse n'aura pas le choix d'embarquer dans ce projet-là. Ça pour dire que je pense qu'il faut quand même laisser la porte ouverte à Mme Plante de premièrement de faire son entrée, d'analyser la situation. Mais moi, je ne pense pas du tout que ce projet-là est mort. Bien au contraire, c'est peut-être une embûche dans le projet, dans le trajet pour se rendre là. Quand je dis embûche, c'est que ça ralentit un petit peu peut-être le processus où le maire Coderre, bon, avait ses entrées avec le baseball majeur, il avait ses entrées avec ci et ça, mais je pense que le groupe d'hommes d'affaires est assez intelligent pour comprendre que on est capable d'avancer quand même malgré cette situation-là. Mais Marc, le rôle du baseball majeur là-dedans, moi je l'ai su, je te l'ai dit off the record, ça va probablement sortir, c'est parce que c'est un de mes amis qui a appelé au baseball majeur, puis je peux pas vraiment te dire, mais là, je te l'ai dit off the record, c'est les premières réactions, mais toi, tu t'attends à quoi du baseball majeur? Ben, le baseball majeur, c'est une game politique, dans le sens que le baseball majeur, ce qui va vous répondre, là, sans savoir ce qui se passe vraiment, là, mais le baseball majeur va vous dire, ben, on veut l'appui de la ville, on veut l'appui du gouvernement. Bon, évidemment, dans ce cas-ci, c'est le gouvernement provincial et fédéral. Aux États-Unis, ce serait évidemment au niveau des États, au niveau, national. Mais, tu sais, pensez-vous que le baseball majeur, nous, là, le maire, ça importe un peu, on rentre la machine là-dedans, puis ça va être... Non, c'est pas de même, ça marche. Politiquement, le baseball majeur va dire, nous, on veut l'appui de tout le monde. Ouais. Alors, on veut l'appui de tout le monde, on veut que ce soit un projet rassembleur, on veut que ça soit ci. Fait que c'est normal, ils vont répondre de cette façon-là, c'est clair. C'est comme ça que tu dois répondre publiquement. Maintenant, ça va être au groupe de Montréal d'avoir une ligne directe. D'ailleurs, la ligne directe n'était pas nécessairement Denis Coderre avec le baseball majeur en passant. Là. Il y a des gens dans le groupe qui avaient une ligne directe avec le baseball majeur. Et comme tu as mentionné si bien tout à l'heure, il va falloir, attendre. Hey, est-ce que c'est un transfert de franchise, cette affaire-là? Ou c'est vraiment là une nouvelle franchise qu'on doit bâtir de zéro? C'est pas le même prix. Ben, c'est pas le même prix. C'est pas tout à fait les mêmes défis non plus. Le défi du stade va rester. Ça, c'est clair. Le défi du stade va rester. Mais le défi, évidemment, d'avoir une autre équipe ou une organisation, ça, c'est pas du tout la même chose. OK. Marc, là-dedans aussi, je veux te parler de ce qui est sorti hier parallèlement. Moi, je trouve que c'est aussi important que la défaite du maire Coderre. C'est cette nouvelle que, bon, on en a parlé à l'Assemblée nationale, c'est sûr, c'est ses finances, mais semble-t-il que Stephen Brofman aurait de l'argent caché dans des paradis fiscaux. Puis c'est pas illégal en passant, là. Mais moi, je me dis, connaissant le Québec, moi, puis toi, je sais que tu dois sûrement comprendre pourquoi il a fait ça. On veut pas payer d'impôts. T'aurais une fortune, c'est sûr que tu veux payer le moins d'impôts possible, puis c'est normal. Mais le petit peuple, eux autres, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Et lorsque ça va venir le temps, peut-être, d'aller voir les gouvernements pour avoir de l'argent public, ben les gens pourront dire, ben regarde, rien qu'à sortir son argent des paradis fiscaux. Tu comprends que, politiquement parlant, là, c'est pas très vendable, parce que c'est... ce qui s'est passé hier, la nouvelle en même temps. Non, c'est pas très vendable, mais par contre, puis tu sais, moi puis toi, on sera jamais capable de répondre à la question qu'est-ce que tu ferais si t'avais tout cet argent-là, qu'on l'a pas. Ouais. Puis on est donc on est-ce qu'on va commencer là à fabuler puis dire ben moi j'aurais pas fait ça. Mais tu peux pas. Tu sais, le jour que tu auras autant de zéros dans ton compte de banque puis dans le premier chiffre, là après ça tu pourras répondre. Là, écoute, je pense que ça là, c'est honnêtement là, c'est sortir. Je veux dire, je pense qu'on est allé chercher un peu loin là, pour fouiller, pour justement sortir un peu de magouille dans ce dossier-là, parce que tu l'as dit, c'est même pas illégal ce que Stephen Brofman fait. Ouais. Puis je pense que tout ce qu'il fait à Montréal et au Canada pour l'argent qu'il injecte dans toutes les fondations inimaginables, là, le montant d'argent qui est derrière ça, les gens tomberaient en bas de leur chaise. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Moi, je trouve vraiment ce qui est de valeur, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a un succès financier au Québec, on a l'impression que il doit être croche. Puis là, à un moment donné, j'espère qu'en tant que peuple, on va réussir à passer par-dessus, puis au contraire, dire ben il y a des success stories, là, il y a du monde qui a fait des bonnes choses. Alors, est-ce qu'il faut arrêter tout projet impliquant des multimilliardaires parce qu'ils ont une partie de leur avoir qui sont dans les paradis fiscaux. Tu sais, à un moment donné, là, arrêtez puis passez à autre chose. Sinon, on n'avancera jamais. Regarde, Montréal, là, depuis 4 ans, là, on ne fera pas le débat politique, mais tu sais, les grues sont partout. Montréal est beaucoup mieux vu qu'il y a 4 ans. C'est une métropole qui semble prendre vraiment son air d'aller. Alors, faut pas non seulement retomber là dans les années 90 où c'était pitoyable, puis on était un peu la risée d'à peu près toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. Là. Donc, je pense que là, faut que les gens voient un petit peu plus loin, là, puis qu'on puisse être en mesure d'avancer, puis d'avoir des projets concrets, que ce soit le baseball ou autre, là, parce qu'il y en a plein d'autres projets intéressants. Mais est-ce qu'on a un référendum pour la salle de spectacle de l'OSL à un moment donné qui a coûté 300 quelques millions? Tu sais, à un moment donné, il va falloir trouver des terrains d'entente. Mais je pense que le nerf de la guerre sera effectivement le plan d'affaires du privé. Comment eux, ils voient ça? Quelle sera l'injection au terme municipal ou au provincial ou peu importe? Puis là, à un moment donné, les gens vont pouvoir se faire une vraie opinion de ce projet-là. Ben, Marc, très intéressant. On va s'en parler de baseball la prochaine fois parce que j'ai vu, là, ils ont sorti là, les joueurs autonomes qui ouais. Et ça va être une... Ce sera pas 2018 parce que 2018, ça va être fou, là, si ça change pas. Mais il y a quand même des joueurs autonomes très intéressants qui vont être courtisés, certainement. On va s'en parler. Ben, déjà, je sais pas si tu as vu, là. On va s'en reparler de ça, mais je sais pas si tu as vu. Il y a déjà plusieurs équipes, là, qui... décide de garder les droits sur certains joueurs là, au coût de 17 quelques millions de dollars. Donc, en tout cas, c'est à suivre au cours des premiers, des prochains jours. Et le fameux Babe Ruth du Japon, ça va se décider bientôt. Là. Fait que ça, ben, les sujets chauds qui s'en viennent. Marc, on s'en parle très bientôt. Marc Griffin de RDS. Ah.